Donc, alors on va faire un grand bond dans l'espace-temps par rapport à la présentation d'Antoine Aignon. Puisque moi, je vais vous parler plutôt des musiques pygmées du Gabon. En fait, je vais surtout développer la première partie du titre que j'avais proposé. En raison du temps qui m'est imparti, j'avais pris un petit peu trop large. Donc, je propose de mettre en évidence la manière dont les Babombo perçoivent la propriété des rituels et de leur musique, en formulant trois modalités de rapport à l'autre, c'est-à-dire trois registres de distinction entre un eux et un nous, dont les frontières sont à chaque fois différentes. Donc, quelques remarques. Je limite donc volontairement ma présentation aux musiques rituelles. Les termes de propriété, voire propriété intellectuelle, ici ne sont pas employés dans leur sens juridique. Donc il n'y a pas de traduction vernaculaire de ces termes. Donc, ce dont je vais parler concerne les représentations locales. Donc on est un petit peu à la marge de la problématique des journées. Mais par contre, il est pertinent localement de se poser la question de savoir d'où viennent les musiques rituelles et ce qu'on en fait. Est-ce qu'elle circule ou pas et de quelle manière? Alors, rapidement, quelques éléments de contextualisation. Donc, la présentation prend place chez des populations qui vivent au centre-sud du Gabon, sur une zone qui, nord au sud, fait à peu près 150 km à vol d'oiseau. La région est forestière et montagneuse. Donc, les trois populations en question sont les Babombo, les Michobo et les Masango. Toutes les trois parlent des langues bantoues qui sont plus ou moins proches les unes des autres. Et pour simplifier, géographiquement, les Michobo se trouvent au nord de la zone, les Masango au sud et les Babombo sont un peu du nord au sud et font un peu un trait d'union entre les deux autres populations qui, même si elles se connaissent, ne sont pas en lien au quotidien. Donc si les villages Mitsogo et Masango sont implantés autour d'une route, le long d'une route principale, ceux des Babombo ont plusieurs possibilités. Soit ils sont donc également en bordure de route, soit ils sont, les villages sont en forêt, et donc ils sont les seuls à avoir des villages en forêt. Donc, encore quelques éléments qui ont leur intérêt pour ce qui suit. Si toutes les populations cultivent aujourd'hui, avant la période de la colonisation et des politiques de sédentarisation des populations en bordure de route, les Mitsogo et les Masango étaient plutôt cultivateurs et les Babombo chasseurs-collecteurs. Donc, les Babombo aujourd'hui ont gardé une plus grande mobilité et une familiarité avec l'écosystème forestier. On leur reconnaît des talents de chasseurs, une connaissance affinée des plantes médicinales et un rapport particulier avec les esprits des défunts qui demeurent en forêt. Cela fait d'eux donc des spécialistes de la divination et de la guérison, puisque divination et guérison utilisent ces trois compétences, mais aussi des gens particulièrement compétents musicalement. Et donc, voilà, je reviendrai là-dessus. Ces Babombo-là sont des gens qu'on appelle pygmées. Ce qui véhicule un certain nombre de stéréotypes. Donc très rapidement, ils sont sales, voleurs, menteurs, mauvais coucheurs, mais aussi puissants rituellement et musicalement. Si on reconnaît certaines compétences au Babombo, si les voisins leur reconnaissent certaines compétences, ça n'empêche que les relations entre Babombo et voisins sont fortement hiérarchisées, les Babombo étant subordonnés à leurs voisins. Donc ils les considèrent comme qu'ils sont des boucs émissaires et qu'ils les considèrent comme des hommes à tout faire. Dernier élément, les Babombo et leurs voisins sont familiers des Occidentaux, qu'ils nomment du terme générique de blanc. Depuis la colonisation, ils ont eu affaire à un certain nombre de ces blancs, donc trafiquants d'esclaves, explorateurs, commerçants, exploitants forestiers, missionnaires, voilà. Et aujourd'hui, quelques touristes en quête d'initiation et quelques ethnologues traversent également la région. Donc, les catégories humaines génériques sont donc connues là-bas, sont donc les pygmées, qui sont représentés par les Babombo, les noirs, qui sont représentés par les Mitsogo et les Masango, et les blancs, donc l'ensemble de l'Occident. Ici donc, la différenciation entre Mitsogo et Masango n'est pas opérante à ce niveau. Alors, ce découpage de l'humanité en trois, donc guillemets noir-blanc, se retrouve dans les récits mythologiques des populations présentes. Voilà, donc la conception Babongo de l'appartenance rituelle et musicale se base sur cette distinction tripartite. Ainsi, dans le contexte des pratiques musicales rituelles, les Babongo s'affirment tour à tour pygmées, blancs et noirs. Cela est rendu possible par un système de rapprochement et d'exclusion des populations les unes par rapport aux autres. Donc, le premier registre de distinction pourrait s'exprimer par l'assertion suivante. Nous, les Babongo, qui sommes des pygmées, à l'exclusion des noirs et des blancs. Donc, cette catégorie regroupe un certain nombre de répertoires musicaux rituels qui sont reconnus par les Babongo et par leurs voisins comme étant exclusivement Babongo. Donc, tous ceux qui ne sont pas Babongo n'y ont pas accès. Donc, sur ce point, il y a consensus entre les populations. Il s'agit de répertoires dont les circonstances d'exécution sont relatives à la chasse, donc les différentes pratiques cynégétiques et les types de gibier. Ce qui renvoie à la représentation du pygmée telle qu'on évoquait plus haut. Ce sont des circonstances d'exécution qu'on ne retrouve pas ailleurs que chez les Babongo. Le rituel le plus important de cette catégorie consacre le bon chasseur, ce rituel est nommé Boluma au nord de la zone et Mudimu au sud de la zone. Il met en œuvre des phases originales qu'on ne retrouve pas ailleurs, mais aussi et surtout des éléments communs à d'autres rituels régionaux. Et c'est donc l'agencement de ces rituels qui en fait un rituel original. L'action qui déclenche le rituel est celle de tuer un cochon sauvage à la sagaie. Par conséquent, cela concerne davantage les hommes, mais sans exclure les femmes en théorie. Si elle tuait un cochon sauvage à la sagaie, elle subirait le même rituel. D'ailleurs, on raconte que c'est déjà arrivé. Donc l'opposition initiée-profane de ce rituel initiatique ne se noue pas au niveau d'une opposition de genre homme-femme, comme c'est habituellement le cas, mais sur le registre ethnique des Babongo versus tous les autres humains, c'est-à-dire les noirs et les blancs. Donc ici, les Babongo s'affirment en tant que pygmées en assumant les stéréotypes associés. Ceci est encore renforcé par deux points. Les Babongo exécutent ce rituel lors des funérailles de leurs membres statutairement les plus haut placés, qu'ils soient hommes ou femmes, donc il n'y a encore de fait pas de distinction de genre. Et les chants de ces rituels ne circulent pas d'un répertoire à un autre, comme c'est le cas pour de nombreux autres répertoires. Ce qui les empêche de circuler n'est pas l'utilisation d'un système musical spécifique. Certes, la thématique des chants est originale. Les chants parlent de la chasse et font référence au premier ancêtre pygmée, mais les chants Babongo sont d'un point de vue formel identiques à ceux des répertoires partagés avec les populations voisines. Donc les traits les plus saillants sont qu'il s'agit d'une musique cyclique, syllabique, de forme responsoriale, qu'il y a une seule voix qui est constitutive du chœur, que l'échelle est essentiellement hexatonique et mutonique, mais avec des possibilités de variation, que les variations chantées sont essentiellement homorythmiques. Je peux peut-être faire écouter un petit exemple. Donc, je replace dans le contexte l'exemple qu'on va écouter. Je vous fais écouter un chant Babongo, extrait d'un de ces rituels qui ne doit pas circuler. Je vous fais écouter puis je vous dis. Donc c'est la plage 13. Arrivé à une histoire particulière. Moi-même, je parcourais toute la région, donc du nord au sud, que ce chant vient des pygmées du sud de la région, je voulais savoir si les pygmées du nord qui pratiquent aussi ce genre de rituel le connaissaient, donc je leur ai fait écouter. Donc, ils ne le connaissaient pas, mais ils l'ont trouvé super, et donc ils l'ont repris. Mais alors, pas du tout dans leur rituel Babongo à eux, mais dans un rituel partagé avec, avec les voisins. Donc, je vous fais écouter leur version, qui est donc la plage... Je suis pas prête. La plage 2. Je suis pas prête. C'est donc une copie illégale. Et on va voir que, effectivement, c'est le même système musical, la copie est quasiment identique à l'original. Ce qui n'est pas du tout le cas de systématiquement des chants qui circulent. C'est le deuxième disque. Hein? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est encore une autre version. Dis-moi. Alors, la une. Non, c'est pas ça. Tu sais pas. On a deux. Ouais, c'est ça. Il est intéressant de constater que ce qui empêche les chants babongo de circuler normalement n'est donc pas purement du domaine formel, mais tient de la revendication ethnique des babongo en tant que pygmées. Donc en d'autres termes, on cache une musique qui est finalement, dont le système est tout à fait commun. Donc à l'extrême opposé même de ce premier type de rituel, on est un deuxième qui associe, voire identifie les babongo à la figure extrême de l'altérité que sont les blancs. Ce deuxième registre des distinctions pourrait s'exprimer de la manière suivante. Nous les babongo, qui sommes plus blancs que noirs et qui sommes surtout différents de nos voisins. Donc le représentant principal de cette deuxième catégorie est un rituel nommé Ebolu, que les babongo exécutent pour le retrait de deuil d'un non-initié. Donc les babongo y accumulent des éléments d'origine clairement occidentale, en affirmant qu'il s'agit d'un rituel babongo qui n'a rien à voir avec les blancs. Donc pour ne donner que quelques exemples, les gens dansent en couple mixte, donc hommes-femmes, avec contact entre les danseurs, ceux qui ne se voient jamais en dehors de cette occasion. Ils dansent au sein d'une structure spécialement construite pour l'occasion qui rappelle nos kiosques à musique de la fin du 19e et début 20e siècle. Et les vêtements occidentaux constituent la tenue vestimentaire requise, alors que pour les répertoires régionaux, c'est le pan. Le terme Ebolu lui-même est un dérivé du terme français bal. Donc parallèlement à ce rituel, les versions babongo des récits mythiques mettent en avant que les blancs ont tout volé aux babongo, ou bien que les babongo et les blancs forment une seule entité. Donc c'est un peu une figure réversible, interchangeable. Donc même si le lien entre le mythe et Ebolu n'est pas explicitement exprimé, le rituel donne quand même bien à voir les conditions du mythe, en faisant comme les babongo et en affirmant que le rituel, en faisant comme les blancs et en affirmant que le rituel est babongo, soit les babongo se réapproprient symboliquement les biens volés, soit ils affirment symboliquement toujours que les babongo et les blancs sont une seule identité, entité. Dans les relations quotidiennes d'ailleurs, les babongo affirment volontiers leur parenté avec les blancs dont ils se rapprochent, notamment par la couleur de peau, puisqu'ils sont plus clairs que leurs voisins. La circonstance d'exécution des bolos elle-même reflète son caractère étranger à la région. En principe, le retrait de deuil est l'occasion d'actualiser l'appartenance initiatique du défunt en exécutant des extraits des rituels des sociétés dont il était membre, donnant ainsi à voir et entendre un véritable patchwork rituel. Donc par définition, il n'y a pas de retrait de deuil pour quelqu'un qui n'est initié en rien et qui n'est donc pas encore une personne à part entière. Voilà. Alors le système formel de la musique des Boulous est lui aussi un petit peu différent de celui des répertoires partagés, sans pour autant que l'on puisse lui attribuer une origine occidentale. La musique est toujours cyclique, syllabique, de forme responsoriale, mais le chœur répond à deux solistes. Les paroles et donc les phrases mélodiques sont nettement plus longues. La durée des chants est elle-même multipliée Il y a systématisation d'un contre-chant, les danseurs peuvent également chanter. Et la formation instrumentale de base pour accompagner la danse n'est plus l'ensemble de tambours qui caractérise les répertoires partagés, mais un fût de pétrole métallique frappé avec une ou deux paires de baguettes qui n'est utilisé qu'à cette occasion et qui provient des exploitations forestières. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas faire écouter, mais on aura peut-être l'occasion après. Oui, un peu. Bon, alors. Du coup, ça doit être la 4. Alors, deux petites remarques avant qu'on lance. En fait, c'est toujours deux versions du même chant. La première version, c'est moi qui l'ai demandé, donc c'est pas en contexte. C'est pour qu'on entende bien l'alternance des deux solistes. Et après, c'est la même chose en contexte rituel, où du coup, on entend moins. Voilà. En contexte rituel, attention aux oreilles, il y a un gros changement de son au début, j'ai oublié de nettoyer ça. Donc, la suivante. Ne sont pas si différents de ceux des répertoires partagés, mais quand même suffisamment pour qu'ils ne circulent pas ou très rarement. Donc c'est qu'il y a autre chose que concrètement la musique. D'autant plus que cette danse et ces chants étaient autrefois joués et pratiqués par les autres populations environnantes aussi, mais plus actuellement. Donc entre ces deux types extrêmes de rituels, d'un côté les babongos se revendiquent en tant que pygmées, et de l'autre côté, ils s'associent aux blancs pour se démarquer des voisins. Il y a au milieu la majorité des rituels que les babongos et leurs voisins immédiats pratiquent ensemble et qu'un certain nombre de populations gabonaises connaissent également. Donc, on formulera ce troisième et dernier registre de distinction de la manière suivante. Nous, les babongos, qui sommes des noirs, c'est-à-dire qui sommes des initiés comme nos voisins, à l'exclusion des profanes, dont la figure majeure est représentée par les blancs. Donc, dans cette catégorie, tous ces rituels partagés ont un caractère initiatique, soit ils s'adressent à tous les hommes ou à toutes les femmes et concernent le passage du statut d'enfant à celui d'adulte, qui devient donc une personne à part entière et peut prendre des responsabilités, soit ils concernent seulement certaines personnes en demande de soins et il s'agit alors d'une initiation mais à but thérapeutique. Tous ces rituels proviennent de populations gabonaises plus ou moins proches et circulent, se propagent. Ils ne sont donc pas d'origine babongo, même si on ne connaît pas toujours précisément leur origine. Il est donc important pour les babongo qui sont assignés au rang le plus bas de l'échelle sociale au quotidien, de s'affirmer ici en tant que noirs, c'est-à-dire en tant qu'initiés au même titre que les voisins, pour se protéger d'être considérés comme des initiés de rang inférieur. Donc parmi tous ces rituels, il en existe quand même au moins un auquel on reconnaît une origine locale, c'est le bwiti. Le discours attribue ce rituel tantôt au Mitsogo, tantôt au Babongo. Il semble que des registres discursifs différents soient mobilisés dans ces assertions. Si du point de vue des dispositifs rituels, matériels et scéniques, le bwiti est probablement une construction rituelle d'une population sédentaire, donc davantage Mitsogo, les mythes placent à nouveau les pygmées à l'origine de l'humanité, de la culture, de la civilisation, et notamment des rituels et des instruments de musique, dont plus particulièrement les instruments emblématiques de ce rituel bouti, que sont l'arc et la harpe. Les babongos se trouvent ainsi, par leur seul statut de pygmée, au rang d'acteurs et de musiciens privilégiés des rituels de leurs voisins et participent ainsi de l'efficacité du rituel. Du point de vue de la pratique, les babongos sont effectivement reconnus pour leurs compétences musicales particulières qui se traduit par une multitude de formes, dont la promptitude à la mise en circulation des chants. Or, cet ensemble de répertoires partagés babongo et leurs voisins est justement caractérisé par la grande circulation des chants, selon des modalités particulières que je n'ai pas le temps de développer ici. Donc, on a, sur les trois registres de distinction, on a deux pôles. Il n'y a pas de circulation de chants, théoriquement, et au centre des répertoires qui sont justement caractérisés par la circulation. Alors, dans cette catégorisation, il n'y a pas de profondeur historique. Ce dont on dit aujourd'hui que ça ne doit pas circuler, a peut-être circulé hier, mais circulera par la suite. Mais ce qui compte, c'est que le cadre soit là, peu importe le contenu. Donc, je conclue. Donc, en distinguant plusieurs types de musique rituelle par le critère du rapport à l'autre qu'entretiennent les babongos, on a pu mettre en évidence les représentations babongo de la propriété rituelle et musicale. Celles-ci s'articulent autour de différents registres discursifs, donc mythologiques, initiatiques et la revendication ethnique. En excluant du partage et de la circulation leur répertoire propre, en s'appropriant une musique et une danse étrangère, et troisièmement, en étant reconnus experts des répertoires rituels des voisins, auxquels ils ont accès en totalité, les babongos s'affirment donc comme les spécialistes de la musique sous toutes ses formes. Merci.